aussi frappé des merveilles réalisées par l'architecte Grindot au moment où la fortune avait mis son patron en haut de la roue, Crevel, comme il le disait dans son langage, n'en avait fait ni un ni deux quand il s'était s'agit de décorer son appartement. Il s'était adressé, les yeux fermés et la bourse ouverte, à Grindot, architecte alors tout à fait oublié. On ne sait pas combien de temps vont encore les gloires éteintes, soutenues par les admirations arriérées. Grindot avait recommencé là pour la millième fois son salon blanc et or, tendu de damas rouge, le meuble en bois de palissandre sculpté, comme on sculpte les ouvrages courants, sans finesse, avait donné pour la fabrication parisienne un juste orgueil à la province, lors de l'exposition des produits de l'industrie. Les flambeaux, les bras, le garde-cendre, le lustre, la pendule appartenaient au genre rocaille. La table ronde, immobile au milieu du salon, offrait un marbre incrusté de tous les marbres italiens et antiques venus de Rome, où se fabriquent ces espèces de cartes minéralogiques semblables à des échantillons de tailleurs qui faisaient périodiquement l'admiration de tous les bourgeois que recevait Crevel. Les portraits de feu Madame Crevel, de Crevel, de sa fille et de son gendre, dus au pinceau de Pierre Grassou, le peintre en renom dans la bourgeoisie, à qui Crevel devait le ridicule de son attitude byronienne, garnissait les parois, mis tous les quatre en pendant. Les bordures, payées 1000 francs pièce, s'harmonisaient bien à toute cette richesse de café qui, certes, eût fait hausser les épaules à un véritable artiste.